La cantatrice chauve. Antipièce. Personnage. Monsieur Smith. Madame Smith. Monsieur Martin. Madame Martin. Mary la bonne. Le capitaine des pompiers. La cantatrice chauve a été créée le 11 mai 1950 par la compagnie Nicolas Bataille au théâtre des Noctambules. La mise en scène était de Nicolas Bataille. Intérieur bourgeois anglais avec des fauteuils anglais. Soirée anglaise. Monsieur Smith, anglais, dans son fauteuil et ses pantoufles anglais, fume sa pipe anglaise et lit un journal anglais près d'un feu anglais. Il a des lunettes anglaises, une petite moustache grise anglaise. À côté de lui, dans un autre fauteuil anglais, Madame Smith, anglaise, raccommode des chaussettes anglaises. Un long moment de silence anglais. La pendule anglaise frappe 17 coups anglais. Madame Smith. Tiens, il est 9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Monsieur Smith, continuant la lecture de son journal, fait claquer sa langue. Madame Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rance. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Mais je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. Monsieur Smith continuant sa lecture. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Monsieur Smith continue sa lecture et fait claquer sa langue. Madame Smith. Mary a bien cuit les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Monsieur Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Madame Smith. Le poisson était frais. Je m'en suis léché les babines. J'en ai pris 2 fois, non, 3 fois. Ça me fait aller au cabinet. Toi aussi, tu en as pris 3 fois. Cependant, la 3e fois, tu en as pris moins que les 2 premières, tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas l'appétit qui te manque. Monsieur Smith fait claquer sa langue. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Elle avait aussi trop de poireaux et pas assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir conseillé à Mary d'y ajouter un peu plus d'anis étoilé. La prochaine fois, je saurai m'y prendre. Monsieur Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Madame Smith, notre petit garçon aurait bien voulu boire de la bière. Il aimera s'en mettre plein la lampe. Il te ressemble. Tu as vu à table comme il visait la bouteille. Mais moi, j'ai versé dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif et il l'a bu. Hélène me ressemble. Elle est bonne ménagère, économe, joue du piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille qui ne boit que du lait et ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. La tarte au coin et aux haricots était formidable. On aurait bien fait peut-être de prendre au dessert un petit verre de vin de Bourgogne australien, mais je n'ai pas apporté le vin à table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. Monsieur Smith continue sa lecture et fait claquer sa langue. Madame Smith. Mrs. Parker connaît un épicier qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourt d'Antrinople. J'irai demain lui acheter une grande marmite de yaourt folklorique. On n'a pas souvent des choses pareilles ici, dans les environs de Londres. Monsieur Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Madame Smith, le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King, qui soigne les enfants de nos voisins, les Jones. C'est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Parker, c'est lui d'abord qui s'est fait opérer du foie sans être aucunement malade. Monsieur Smith, mais alors, comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? Parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Alors, Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux, ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent pas guérir ensemble. Le commandant d'un bateau périt avec le bateau dans les vagues, il ne lui survit pas. On peut comparer un malade à un bateau. Pourquoi pas? Le bateau a aussi ses maladies. D'ailleurs, ton docteur est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà pourquoi encore il devait périr en même temps que le malade, comme le docteur et son bateau. Oh, je n'avais pas pensé. C'est peut-être juste. Et alors, quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans, et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre, mais pas les marins, naturellement. Pause. Monsieur Smith, toujours avec son journal. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi la rubrique de l'état civil dans le journal donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Madame Smith, je ne me le suis jamais demandé. Silence. La pendule sonne 7 fois. Silence. La pendule sonne 3 fois. Silence. La pendule ne sonne aucune fois. Monsieur Smith, tiens, c'est écrit dans le journal que Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre, quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien. Il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles? On a été à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite, mais je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as été si étonné de voir ça sur le journal. Ça n'y était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage, il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby. Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je ne l'ai vue qu'une fois, par hasard, à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers, et pourtant on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers, et pourtant on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. La pendule sonne 5 fois. Un long temps. Madame Smith, et quand pensent-ils se marier tous les deux? Le printemps prochain, au plus tard. Il faudra sans doute aller à leur mariage. Il faudra leur faire un cadeau de noces, je me demande lequel. Pourquoi ne leur offririons-nous pas un des 7 plateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? C'est triste pour elles d'être demeurées veuves si jeunes. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Il ne leur manquait plus que ça, des enfants, pauvres femmes, qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Elle est encore jeune, elle peut très bien se remarier, le deuil lui va si bien. Mais qui prendra soin des enfants? Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appellent-ils? Bobby et Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien, à son tour, se charger de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? De quel Bobby Watson parles-tu? de Bobby Watson, le fils de vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Non, ce n'est pas celui-là, c'est un autre. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Quel dur métier, pourtant on y fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. Oh, 3 jours par semaine. Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Mais pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours s'il n'y a pas de concurrence? Je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier. Tu sais bien que non. Les hommes sont tous pareils, vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche, ou bien vous vous mettez de la poudre et vous fardez vos lèvres 50 fois par jour si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Mais qu'est-ce que tu dirais si tu voyais les hommes faire comme les femmes, fumer toute la journée, se poudrer, se mettre du rouge aux lèvres, boire du whisky? Quant à moi, je m'en fiche, mais si tu dis ça pour m'embêter, alors je n'aime pas ce genre de plaisanterie, tu le sais bien. Elle se lève. Monsieur Smith se lève à son tour et va vers sa femme. « Oh, mon petit poulet rôti, pourquoi craches-tu du feu? Tu sais bien que je dis ça pour rire. » Il la prend par la taille et l'embrasse. « Quel ridicule couple de vieux amoureux nous faisons! Viens, nous allons éteindre et nous allons faire dodo. » Entre la bonne, Mary, entrant. « Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'étais au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait et puis on a lu le journal. » Madame Smith, j'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal. Mary, Madame et Monsieur Martin, vos invités sont à la porte. Ils m'attendaient. Ils n'osaient pas entrer tout seuls. Ils devaient dîner avec vous ce soir. Ah oui, nous les attendions. Et on avait faim. Comme on ne les voyait plus venir, on allait manger sans eux. On n'a rien mangé de toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. C'est vous qui m'avez donné la permission. Monsieur Smith, on ne l'a pas fait exprès. Mary éclate de rire, puis elle pleure. Elle sourit. Je me suis acheté un pot de chambre. Madame Smith, ma chère Mary, veuillez ouvrir la porte et faites entrer Monsieur et Madame Martin, s'il vous plaît. Nous allons vite nous habiller. Madame et Monsieur Smith sortent à droite. Mary ouvre la porte à gauche par laquelle entrent Monsieur et Madame Martin. Mary, pourquoi êtes-vous venu si tard? Vous n'êtes pas poli. Il faut venir à l'heure. Compris? Asseyez-vous là quand même. Et attendez maintenant. Elle sort. Scène 4. Madame et Monsieur Martin s'assoient l'un en face de l'autre sans se parler. Il se sourit avec timidité. Monsieur Martin. Mes excuses, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. À moi aussi, monsieur, il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu, madame, à Manchester, par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester, mais je ne me souviens pas très bien, monsieur. Je ne pourrais pas dire si je vous y ai aperçu ou non. Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Seulement, moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin qui arrive à Londres à 5:15, madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur, moi aussi. Mon Dieu, comme c'est curieux. Peut-être bien alors, madame, que je vous ai vu dans le train. C'est bien possible, ce n'est pas exclu, c'est plausible, et après tout, pourquoi pas? Mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyageais en deuxième classe, madame. Il n'y a pas de deuxième classe en Angleterre, mais je voyage quand même en deuxième classe. Comme c'est bizarre, que c'est curieux, et quelle coïncidence. Moi aussi, monsieur, je voyageais en deuxième classe. Comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être bien rencontrés en deuxième classe, chère madame. La chose est bien possible et ce n'est pas du tout exclu, mais je ne m'en souviens pas très bien, cher monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, madame. Comme c'est curieux, ma place aussi était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux et quelle coïncidence bizarre, peut-être nous sommes-nous rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame. C'est bien possible, après tout, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus je ne m'en souviens pas, mais il est possible que nous nous soyons aperçus là, et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible. Oh, vraiment, bien sûr, vraiment, monsieur. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3 près de la fenêtre, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux et comme c'est bizarre, j'avais la place numéro 6 près de la fenêtre en face de vous, cher monsieur. Oh mon Dieu, comme c'est curieux et quelle coïncidence, nous étions donc vis-à-vis, chère madame, c'est là que nous avons dû nous voir. Comme c'est curieux, c'est possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Cependant, il est très possible que nous nous soyons vus à cette occasion. C'est vrai, mais je n'en suis pas sûr du tout, monsieur. Ce n'était pas vous, chère madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer? Mais si, ça devait être moi, monsieur, comme c'est curieux et quelle coïncidence. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, quelle coïncidence. Eh bien, alors, nous nous sommes peut-être connus à ce moment-là, madame. Comme c'est curieux et quelle coïncidence, c'est bien possible, cher monsieur. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir. Moi non plus, madame. Un moment de silence. La pendule sonne deux coups, puis un coup. Monsieur Martin, depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Comme c'est curieux, mais alors, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, c'est bien possible, après tout, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux, moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, nous nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Mon appartement est au 5e étage, c'est le numéro 8, chère madame. Comme c'est curieux, mon Dieu, comme c'est bizarre et quelle coïncidence. Moi aussi, j'habite au 5e étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux, comme c'est curieux, comme c'est curieux et quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre, avec ce lit et son édredon vert, se trouve au fond du corridor entre les water et la bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence, ah mon Dieu, quelle coïncidence. Ma chambre à coucher a elle aussi un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque. Comme c'est bizarre, curieux, étrange. Alors, madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Comme c'est curieux et quelle coïncidence, c'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés, peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. J'ai une petite fille, ma petite fille, elle habite avec moi, chère madame. Elle a 2 ans, elle est blonde, elle a un œil blanc et un œil rouge, elle est très jolie, elle s'appelle Alice, chère madame. Quelle bizarre coïncidence, moi aussi j'ai une petite fille, elle a 2 ans, un œil blanc et un œil rouge, elle est très jolie et s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Comme c'est curieux et quelle coïncidence et bizarre. C'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux, c'est bien possible, cher monsieur. Un long moment de silence. La pendule sonne 29 fois. Monsieur Martin, après avoir longuement réfléchi, se lève lentement et sans se presser, se dirige vers madame Martin qui, surprise par l'air solennel de monsieur Martin, s'est levée elle aussi tout doucement. Monsieur Martin, alors, chère madame, je crois qu'il n'y a pas de doute, nous nous sommes déjà vus et vous êtes ma propre épouse. Élisabeth, je t'ai retrouvée. Madame Martin s'approche de monsieur Martin sans se presser, ils s'embrassent. La pendule sonne une fois, très fort. Le coup de la pendule doit être si fort qu'il doit faire sursauter les spectateurs. Les époux Martin ne l'entendent pas. Madame Martin, Donald, c'est toi, darling. Ils s'assoient dans le même fauteuil, se tiennent embrassés et s'endorment. La pendule sonne encore plusieurs fois. Mary, sur la pointe des pieds et un doigt sur ses lèvres, entre doucement en scène et s'adresse au public. Mary, Elisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth, Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth, ce n'est pas la même personne. La fillette de Donald a un œil blanc et un autre rouge, tout comme la fillette d'Elisabeth. Mais tandis que l'enfant de Donald a l'œil blanc à droite et l'œil rouge à gauche, l'enfant d'Elisabeth, lui, a l'œil rouge à droite et le blanc à gauche. Ainsi, tout le système d'argumentation de Donald s'écroule en se heurtant à ce dernier obstacle qui anéantit toute sa théorie. Malgré les coïncidences extraordinaires qui semblent être des preuves définitives, Donald et Elisabeth, n'étant pas les parents du même enfant, ne sont pas Donald et Elisabeth. Il a beau croire qu'il est Donald, elle a beau se croire Elisabeth, il a beau croire qu'elle est Elisabeth, elle a beau croire qu'il est Donald, il se trompe amèrement. Mais qui est le véritable Donald? Quelle est la véritable Elisabeth? Qui donc a intérêt à faire durer cette confusion? Je n'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir, laissons les choses comme elles sont. La bonne fait quelques pas vers la porte, puis revient et s'adresse au public. Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Elle sort. Scène suivante, les mêmes, sans Mary. La pendule sonne tant qu'elle veut. Après de nombreux instants, Madame et M. Martin se séparent et reprennent les places qu'ils avaient au début. M. Martin, oublions, darling, tout ce qui ne s'est pas passé entre nous. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, tâchons de ne plus nous perdre et vivons comme avant. Oui, darling. Madame et M. Smith entrent à droite sans aucun changement dans leurs vêtements. Madame Smith. Bonsoir, chers amis. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit, et dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir nous voir sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos habits de gala. Monsieur Smith, nous n'avons rien mangé toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Madame et Monsieur Smith s'assoient en face des visiteurs. La pendule souligne les répliques avec plus ou moins de force selon le cas. Les Martines, elles surtout, ont l'air embarrassées et timides. C'est pourquoi la conversation s'amorce difficilement et les mots viennent au début avec peine. Un long silence gêné au début, puis d'autres silences et hésitations par la suite. Monsieur Smith. Madame Smith. Madame Martin. Monsieur Martin. Madame Martin. Oh, décidément. Monsieur Martin, nous sommes tous enrhumés. Monsieur Smith, pourtant il ne fait pas froid. Madame Smith, il n'y a pas de courant d'air. Monsieur Martin, oh non, heureusement. Monsieur Smith, oh là là là là là là. Monsieur Martin, vous avez du chagrin? Madame Smith, non, il s'emmerde. Madame Martin, oh monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Monsieur Smith, le cœur n'a pas d'âge. Monsieur Martin, c'est vrai. Madame Smith, on le dit. Madame Martin, on dit aussi le contraire. Monsieur Smith, la vérité est entre les deux. Monsieur Martin, c'est juste. Madame Smith, aux époux Martin, vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Monsieur Martin, à sa femme, dis chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Madame Martin, ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Monsieur Smith, nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Madame Smith, vous nous offenseriez si vous le pensiez. Monsieur Martin, à sa femme, tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Madame Martin, eh bien, j'ai assisté aujourd'hui à une chose extraordinaire, une chose incroyable. Dis vite, chérie. Ah, on va s'amuser. Enfin. Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers... Qu'est-ce que ça va devenir? Il ne faut pas interrompre, chérie, vilaine. J'ai vu dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une cinquantaine d'années, même pas, qui quoi? Faut pas interrompre, chérie, tu es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier, mufle. Monsieur Martin, chut! À sa femme, qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Eh bien, vous allez dire que j'invente, il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh! Oui, penché. Pas possible. Si, penché. Je me suis approché de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien, il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défait. Fantastique. Si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Monsieur Martin, pourquoi pas? On voit des choses encore plus extraordinaires quand on circule ainsi. Aujourd'hui, moi-même, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Quel original! Monsieur Smith, c'était peut-être le même. Tiens, on sonne. Madame Smith, il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Elle va voir, elle ouvre et revient. Personne. Elle se rassoit. Monsieur Martin, je vais vous donner un autre exemple. Sonnette. Monsieur Smith, tiens, on sonne. Madame Smith, ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Elle va voir, elle ouvre et revient. Personne. Elle se rassit à sa place. Monsieur Martin, Madame Martin, tu disais que tu allais donner un autre exemple. Ah, oui. Sonnette. Monsieur Smith, tiens, on sonne. Madame Smith, je ne vais plus ouvrir. Monsieur Smith, oui, mais il doit y avoir quelqu'un. Madame Smith, la première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aura quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Madame Martin, ce n'est pas une raison. Monsieur Martin, comment? Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours, vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps, si. Monsieur Smith, moi, quand je vais chez quelqu'un... Je sonne pour entrer, je pense que tout le monde fait pareil, que chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Madame Smith, cela est vrai en théorie, mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure, Madame Martin, votre femme a raison. Monsieur Martin, oh, vous les femmes, vous vous défendez toujours l'une l'autre. Madame Smith, eh bien, je vais aller voir. Tu ne diras pas que je suis endettée, mais tu verras qu'il n'y a personne. Elle va voir, elle ouvre la porte et la referme. Tu vois, il n'y a personne. Madame Smith, ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. On entend de nouveau sonner. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Madame Smith, ne m'envoie plus ouvrir la porte. Tu as vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Il ne veut pas en démordre. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non, si. Madame Smith, je te dis que non. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Si tu veux aller voir, vas-y toi-même. J'y vais. Madame Smith hausse les épaules. Monsieur Smith va ouvrir. Ah, how do you do? Il jette un regard à Madame Smith et aux époux Martin qui sont tout surpris. C'est le capitaine des pompiers.